playback music. Dans la Rolls Royce, ma vie s'embellit. J'aime bien Tupac, je suis Machiavelli. L'arme est sous mon lit, les oiseaux dans le nid. J'ai croisé des milliardaires qui dorment dehors à Napoli. Yeah, yeah, toujours derrière des billets. Les rappeurs sont mes fans, mon refrain, je t'ai crié. Oh, oh, ne m'en veux pas, boy. Ça n'est pas personnel, disons que tu n'as pas de bol. Tu sais, la vie est belle, oh oui, remplie de perles, mamie. J'avais 12 ans, je me suis vu tout perdre. Ils parlent de nous partout, ils voudraient nous éteindre. Bande de bâtards, vous faites des alliances avec des tympans. Nous c'est plein mon royal, tu sais jamais de chromo. On encule ta mère sans faire de promo. Ok, j'appelle Lucas, tu crées le syndicat. Gars, je pars aux USA, sur moi j'ai syndicat. Des trucs dans mes deux bas, la haga ça paye pas. J'ai du haga de la vie, j'ai touché ma paye. Des mecs de la rue, frère, on n'est pas des cowboys. Si ma chérie mes Nike, c'est que je m'habille pas. Yeah. Send the windows blowing smoke, therefore you can't notice. Ring on every finger, pushing a new Range Rover. Let the chop down on the Maybach, then I throw the piece. Boss, I'm the biggest in the South, they love me on the East. Get new tattoos on the West Coast stations for the beast. Button down by Saint Laurent, yes, double M a beast. Yeah, homie banging, throwing beats, I want Balenciaga. If you really wanna see it, make your ass a martyr. 100 bands on the corner talking dice games. Dapper Dan, Gucci suit pushing the white things. Gold links on my neck, she know I know the ropes. 60 shots in the clip, so nigga fuck a scope. I'm still praised in the hood just like I was the Pope. Lord, look up at the sky, I wanna make it snow. Lord, I wanna make it snow. Whoa. Nigga, look up.